Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi matin. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma, intitulée La Histoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Comme promis lors de la dernière émission, dans laquelle nous avons parlé de la 7e partie du Peplum, en abordant notamment la renaissance du genre dans les années 2000, nous allons parler aujourd'hui des annexes du Peplum et des musiques du Peplum. Ceci sera donc la 8e et dernière partie sur le Peplum. Commençons donc les annexes en parlant du Peplum haute couture et Hollywood Falbala. Dans l'univers olympien, des stars notamment hollywoodiennes, qui donnent ici son nom au genre cinématographique fait unique, semble-t-il, revêt une importance flagrante. Et comme le film historique en général et le film exotique en particulier, le Peplum fait la part belle aux stylistes en mal d'évasion. Il s'agit en outre d'habiller et de déshabiller artistiquement quelques-unes des plus belles femmes de l'écran. Accessoirement, des hommes aussi, mais un pagne leur suffit souvent. Au début de l'industrie cinématographique américaine, les réalisateurs eux-mêmes, et non des moindres, créaient les costumes de leurs interprètes. D.W. Griffith et Cecil B. 2000 sont au premier rang de cette pratique rapidement révolue. Intolérance, film de 1916, marque une date également dans le domaine des costumes, puisque pour la première fois, ceux-ci sont spécialement conçus et réalisés pour des centaines de figurants et non loués comme à l'habitude. Avec l'avènement, l'apparition des producteurs banquiers et du star system, ce dernier incarné dans les premiers temps par l'immortel Teda Barra, interprète érotisé à l'extrême de Sappho, Cléopâtre, Salomé, le cinéma fait appel à des artistes extérieurs, également des stars dans leur domaine. Par exemple, Paul Irib, couturier et décorateur, que la Paramount fait venir spécialement aux États-Unis, crée pour Gloria Swanson une robe entièrement faite de perles blanches et une coiffure en plume de paon, qui est une passion de Cecil B. 2000, censée porter malheur, arboré dans le film L'Admirable Crichton en 1919. Cette robe légendaire est encore conservée dans le château du metteur en scène transformé en musée. 30 ans plus tard, Edith Head s'en inspire pour revêtir Eddie Lamar dans Samson et Dalila du même réalisateur. Entre-temps, Travis Bunton aura pareillement habillé et déshabillé Claudette Colbert dans Cléopâtre, toujours signé 2000, usant de lourds bijoux pour compenser la légèreté de ses tenues. Plus tard, Jean Louis crée pour Rita Hayworth les robes du film Salomé, après celles du film Gilda, notamment celle dans laquelle la star exécute la fameuse danse des sept voiles. La grande couturière Madame Gray ajuste ses célèbres drapés sur Silvana Mangano dans Ulysse de Mario Camerini en 1954. Herschel McCoy dévoile généreusement l'anatomie de Lana Turner dont la carrière marquait le pas dans Le Fils prodigue, relançant celle-ci pour 10 années malgré le relatif insuccès du film. Esther Williams est tout aussi exhibée par Ellen Rose dans La chérie de Jupiter en 1952 que dans des comédies aquatiques au maillot de bain ajusté. Dans Un caprice de Vénus, Ori Kelly, certes, habille Ava Gardner d'une longue robe, mais une fente découvre sa jambe, puisque jusqu'en haut de la cuisse, pardon. Pour le monumental Cléopâtre de Joseph Mankiewicz, chant du cygne provisoire du genre, comprenez ici dernier grand succès provisoire du genre, 65 costumes ainsi que 35 perruques et 125 bijoux sont créés pour la superstar Elizabeth Taylor par Irène Sharaf. La robe d'Isis en est d'or 24 carats coûte à elle seule 65 000 $. Les servantes de la reine d'Égypte sont si peu vêtues qu'un garde du corps leur est dévolu. Les figurantes se mettront en grève pour protester contre des attouchements incessants. Passons maintenant à l'architecture de Hollywood Babylone. Los Angeles et Hollywood se confondent dans notre imaginaire et parfois dans la réalité. Ainsi, l'architecture de la ville californienne a été fortement marquée par celle des films et des péplums en premier lieu. Des décors monumentaux en stuc ou agglomérés domineront longtemps la perspective, telle ceux du film Intolérance de Griffith avec 45 mètres de hauteur ou du Roi des Rois de Cecil B. 2000, ces derniers remaniés pour King Kong en 1933. Pour le petit point culture, un décor en stuc est un décor avec un enduit mural à usage décoratif fait de plâtre ou de poussière de marbre et de colle qui imite le marbre. Les modes égyptiennes et assyriennes ont envahi la Californie du Sud de la fin des années 20 au début des années 30. Les immeubles d'habitation copiaient le palais de Ramsès et les temples d'Osiris. Une usine de pneus copiait le palais de Ninive. Sid Grauman construisit un vaste théâtre égyptien sur Hollywood Boulevard en 1922 et même l'hôtel de ville se dota d'une ziggourat, une ziggourat étant un édifice religieux mésopotamien à degrés, présent aussi en Elam, constitué de plusieurs terrasses supportant probablement un temple construit à son sommet. La célèbre salle de cinéma du style égyptien de Sid Grauman, qui eut également l'idée de l'empreinte des mains et des chaussures des stars sur le trottoir d'Hollywood, dont la statue trône sur ce même boulevard. Les architectes Meyer et Holler s'inspirèrent du temple de Karnak et leur œuvre, malheureusement, affreusement rénové, se dresse toujours au 6712 Hollywood Boulevard. De son côté, George Sampson rendit hommage à son homonyme biblique sur la façade assyro-babylonienne du siège social de son entreprise de caoutchouc, la Sampson Tire and Rubber Company, construite en 1929 par Morgan, Wells et Clements au 5675 Telegraph Road, Boyle Heights. Naturellement, l'antiquité africaine et orientale n'a pas l'apanage de ces délires architecturaux qui empruntent autant au style mauresque qu'à celui des Mayas ou à l'Europe médiévale. Passons maintenant à la musique dans le péplum dans les années 50 et 60. Comme les décors extérieurs et intérieurs, les costumes, la plastique des acteurs, la photographie voire les dialogues, la musique participe à l'esthétique du péplum pour une part importante. C'est ce que nous allons voir avec la musique dans le péplum aux États-Unis et la musique dans le péplum en Italie. En Amérique, le compositeur d'origine hongroise Miklos Rosa s'impose comme le principal spécialiste de l'épopée et du péplum notamment. Ses accords violents et furieux renforcent la grandeur épique des superproductions auxquelles son nom est associé. Quo Vadis de Mervyn LeRoy et Ben Hur de William Wyler au premier plan, mais également Le Roi des Rois de Nicolas Ray, Sodome et Gomorre et Le Sobre Jules César de Joseph L. Mankiewicz. C'est le premier de ces films qui lui apporte la gloire et l'associe désormais au genre, grâce notamment aux sources grecques, arabes et siciliennes archaïques auxquelles il puise. La marche triomphale avec Caesar demeure un must dans le domaine. L'artiste utilise les mêmes effets dans Ben-Hur, incorporant des éléments hébraïques anciens, et les thèmes religieux frappent autant que les scènes d'action, bataille, orgie, tout comme The Lord's Prayer et The Crucifixion dans Le Roi des Rois. De Jules César, on peut retenir notamment La Marche Funèbre. Quant à Sodome et Gomorre, pour lequel il remplace Dimitri Tiomkin, tombé malade au tournage, si chaotique, sa musique donne une unité au film, voire le sauve du ridicule par endroits. Dans des genres cousins du péplum, Miklos Rosa a aussi illustré des épopées médiévales comme Le Cid d'Anthony Mann, Les Chevaliers de la Table Ronde et Ivanhoé de Richard Thorpe et des aventures exotiques mêlées de merveilleux comme Le Voleur de Bagdad, Le Voyage Fantastique de Sinbad de Gordon Essier. Après Quo Vadis, le péplum américain s'épanouit sous la direction des plus grands et naturellement les compositeurs les plus importants les accompagnent. Si son travail pour les 10 commandements contribue à imposer Elmer Bernstein à Hollywood, celui-ci ne marque pas de reconnaissance particulière envers le genre. Plus importantes seront les contributions d'Alfred Newman pour La Tunique, L'Égyptien, avec Bernard Herrmann, La plus grande histoire jamais contée de George Stevens, de Alex North pour Spartacus, version de 1960, ou encore Cléopâtre, version de 1963, ou de Dimitri Tiomkin pour La Terre des Pharaons, ou encore La Chute de l'Empire Romain. Bernard Herrmann, plus connu pour son travail avec Alfred Hitchcock, revient au péplum dans la catégorie Fantastique ou Merveilleux, avec Jason et les Argonautes, version de 1963. D'autres travaillent à l'occasion sur le genre à l'antique, comme Max Steiner avec Hélène de Troyes, Daniel Amphitheatrophe avec Salomé de William Dieterle, Bronislaw Kapper avec le fils prodigue, Victor Young, collaborateur régulier de 2000, succédant à Rudolf Kopp, et George Antel avec Samson et Dalila, Franz Waxman avec Les Gladiateurs, etc. On ne soulignera jamais assez la dette du space opéra envers le péplum, ainsi qu'en témoigne par exemple l'étourdissante musique écrite par John Williams pour la saga Star Wars. Enfin, des contributions originales interviennent comme celle de Peter Gabriel à La Dernière Tentation du Christ de Martin Scorsese. Terminons cette chronique par parler de la musique dans le péplum dans les années 50 et 60 en Italie. Dans le camp italien, la notoriété est moindre et à la mesure du prestige de la cinématographie populaire nationale. Seul Mario Nascimbene peut prétendre à un statut international grâce à ses collaborations américaines comme dans Alexandre le Grand, Salomon ou encore La Reine de Saba. Dans son pays, il travaille également sur Constantin le Grand ou Foudre sur Babylone de Silvio Amadio et, pour l'anecdote, compose la musique de La Momie, version de 1969, de l'Égyptien Shadi Abdassalam sur le trafic d'objets archéologiques au XIXe siècle. Angelo Francesco Lavagnino travaille également sur des coproductions internationales comme Le Colosse de Rhodes, Esther et le Roi avec Roberto Nicolosi ou encore Ponce Pilate d'Irving Rapper et apparaît également au générique de Sous le signe de Rome, Ulysse contre Hercule de Mario Caiano, Les derniers jours de Pompéi de Mario Bonnard ou Les 10 gladiateurs de Gianfranco Parolini. D'autres noms reviennent au générique des péplums italiens comme Armando Trovajoli, Carlo Savina ou encore Carlo Rutticelli. Enfin, Federico Fellini fait appel à son compositeur attitré Nino Rota qui puise aux sources de musique primitive pour composer la bande originale de son unique péplum, le célèbre Satyricon. C'est ainsi que se termine cette émission sur la 8e partie sur le péplum. Cette 8e partie marque également la fin de ma chronique sur l'histoire du cinéma. J'ai été ravi de vous partager toutes ces informations depuis le tout premier numéro de La Christoire du Cinéma en date du 23 janvier 2019, dans laquelle dans lequel, pardon, nous avons parlé, tout simplement, de la création du cinéma en général. S'en sont suivies de nombreuses informations et de connaissances sur à peu près tous les styles de cinéma que nous pouvons trouver dans le monde du cinéma. En faisant mes différentes recherches sur ces différents styles, j'ai appris de nombreuses choses et j'espère que j'ai réussi à vous transmettre ces découvertes. Une nouvelle fois, j'ai été ravi de faire cette chronique pendant presque un an et de vous partager ma passion pour le cinéma à travers 46 numéros de la Créhistoire du cinéma. Oui, vous avez bien entendu, 46 numéros de la Créhistoire du cinéma. C'est juste énorme. Et j'espère que vous aurez apprécié cette aventure dans le monde du cinéma à travers tous ces numéros. Malheureusement, vous n'êtes pas encore débarrassé de moi, car la prochaine chronique que je ferai sera la Créhistoire du catch. Certes, peut-être un peu trop ciblée, mais je peux vous garantir que même si vous ne connaissez pas cette discipline ou que vous n'appréciez pas ce sport, vous allez apprendre beaucoup de choses. Enfin, n'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.radiogamozo.eu, tout attaché, sans accent et avec un T à la fin de Mozo. Et comme d'habitude, je vous invite à nous partager votre avis sur notre page Facebook Radio Gamozo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore venir nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville, à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Nous serions ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, moi je vous laisse ici, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour la toute nouvelle chronique. Bonne semaine à toutes et à tous.